Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Giorgio, en direct sur Skyrock. Et c'est parti pour le Planet Rap avec Giorgio, notre invité tous les soirs de la semaine en direct. Bienvenue à vous tous, bienvenue Giorgio. Salut Fred, ça va? En forme? Ouais, en forme à fond. Tu es en train de répéter à l'instant même, hein, pour rien cacher. On répétait pas, on choisissait les prods du freestyle. C'est vrai, donc. Surtout parce que ce soir, il y aura un peu plus de monde, il y aura mes hommes de l'ombre. Tes hommes de l'ombre? Ouais. Bon, on en connaît déjà un, c'est son cas qu'elle a avec nous. Carrément. Qui est plus de l'ombre d'ailleurs maintenant. Exactement, ouais. J'ai envie de dire. Modeste. Après, il y a à ma droite, il y a Vesti. Vesti, bienvenue, Vesti, ça va? Merci, ça va. Vesti qui nous arrive tout droit de l'Allemagne. C'est de Dortmund. Entre 2-3 entraînements, entre 2-3 matchs, il est là avec nous. C'est ça. Ça va, Vesti? Vesti, tu veux présenter un peu qui est Vesti, Giorgio? Ouais, carrément, en fait, lundi, tu sais, je t'avais dit que j'avais fait pas mal d'open mic, etc. Et bah, c'était avec Vesti. On est du même quartier, Max dans moi à la base, donc on tuait les open mic ensemble avec Célas aussi. Qui est là ce soir. Célas. Aïe aïe aïe. Et donc pareil, Célas qui était presque tout le temps chez moi et tout. Big up à Ascan qui nous avait présenté. Gros big up à Ascan, on est là gros. Bon bah bienvenue à vous, donc c'est vrai que vous avez écumé les différentes scènes d'open mic, ça va, des bons souvenirs? Des bons souvenirs d'où? Que des bons souvenirs. Et puis il y a Hakim aussi qui joue d'ailleurs, qui est l'acteur principal dans le clip. On l'avait dit, c'était quand, lundi ou mardi. Les anges déchus, les gens déçus. Pareil, bah, c'est la famille quoi. C'est lui, donc j'ai même précisé qu'il sera futur césarisé, peut-être même oscarisé. D'ici quelques années. Moi, en tout cas, en parlant vite fait de Spuckly, je suis super content de tous les mecs de ma cité et tous les petits de ma cité qu'ont joué les acteurs. C'était où? C'était à Verneuil-sur-Abbe dans le 27, au quartier Beauclair, donc je leur passe une putain de dédicace. Et bon, salut là-bas dans le 27. Donc grosse dédicace à mes potos. Et bah c'est parti donc pour une nouvelle soirée avec l'album. On s'approche mine de rien de la sortie, c'est dans une semaine. Faudra patienter encore jusqu'au vendredi 16 octobre. Ouais, c'est vendredi 16. Bleu noir dans les bacs entre 20 et 21. Du live donc, si j'ai bien compris, ce soir. Ouais, carrément. Un invité aussi normalement, s'il est à l'heure. S'il est à l'heure, ouais. Je connais ses horaires moi. On va croiser les doigts pour que ça soit pas les mêmes. Écoute, la dernière fois il est arrivé à 20h10, je crois, il me semble, de mémoire, donc ça allait à peu près. Ouais, espérons. Et parfois il est arrivé à 20h40, donc on verra, c'est une fourchette qui est assez large. Ouais, on verra. À suivre. Espérons qu'il soit là. À suivre. On débute avec Rêveur. Allez. Le clip est arrivé hier, hein, le clip de Rêveur. Il marche déjà très fort, on écoute le morceau qui est aussi dispo si on précommande l'album. Ouais, si on précommande l'album sur iTunes, on peut récupérer le morceau directement. Donc allez-y, Rêveur, n'hésitez pas à précommander Giorgio Bleu Noir, le morceau c'est Rêveur et c'est tout de suite dans Planet Rap. Incarcéré dans des prisons réelles, un tacle avec les deux pieds si nous dessinons nos peines. Se livrer à son petit frère, c'est une décision mortelle. Parler de rêve de brûlure, d'un petit con qu'on en sorcelle. Ouais, je te jure qu'il me comprend, lui qui veut vivre de sa passion. Il a vu ses potes détruire des projets. Anatole a quitté la maison, créant son propre lycée. A vu ses potes du lycée, créant leur propre hécatombe. Dans les roues des bâtons, je l'ai vu sécher les cours. Je lui ai dit, fais pas le con, moral classique, juste pour l'honneur. Et pour la mama, imagine la fierté d'avoir un fils dans les études en même temps grand footballeur. Un jour il me racontera peut-être tous ses problèmes de cœur. Je lui dirai, n'écoute pas ta tête, sans ta belle sœur je meurs. En vrai t'as pas le choix, ignore pas toutes les raisons. Si facile de faire une croix sur son propre horizon. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est pour les rêveurs réveillés dans une routine hors pair, ou comme mon frère qui subissent tous les soucis de leur père. Même s'il t'a caché plein de choses pour que tu nages jusqu'à l'estuaire, en pensant que t'avais pied, sachant que t'avais peur. Sur le banc de touche pas facile, tu vois le match éternisé. Je sais que t'endors pas, soucis du rêveur brisé. Je sais que t'as le mental, que t'es meilleur chaque journée. On changera de club sans galère, la saison terminée. La vie c'est quelques problèmes, pour des milliards de solutions. Beaucoup de courage, un peu de haine, cocktail en ébullition. Et mon frère, oublie pas que chaque effort ça paye. Je le répéterai tant qu'il faudra pour rester fort et sincère. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est pour les rêveurs endormis dans des journées sans fin, qui connaissent le goût de la vie et les règles qu'on enfreint. La nuit porte conseil, règle des dilemmes sans lendemain. Un chant de stade, deux allures de Ricky M sans chagrin. C'est ce que j'imagine quand je vis ta vie dans mes lunes. Je crois pas être dans l'erreur, en tout cas j'évite d'en être une. C'est tellement dur de lire à travers tes écorces, fruit du même amour qui comme beaucoup a fini en divorce. Pour les rêveurs dans le coma sur la civière, qui pleurent des larmes à la sueur de leur carrière. C'est pour mon frère, un contrôle, une passe def. 90 minutes et puis on s'arrête. Le morceau s'appelle Rêveur, vous le retrouvez, ou alors dès maintenant, si vous précommandez l'album, vous l'avez tout de suite, le morceau Rêveur. Si vous aimez ce morceau, n'hésitez pas à aller précommander l'album de Giorgio, Bleu Noir. Carrément. Et hop, on peut l'avoir tout de suite, hein, le morceau. Ouais, on peut l'avoir tout de suite. Il y en a d'autres aussi, hein, qu'on peut récupérer tout de suite. On récupère Héros, Appel à la Révolte et Les Anges Déchus, Les Gens Déçus. Carrément quatre morceaux. Ouais, et puis pour ceux qui préfèrent le physique, le matériel, on peut aussi le précommander. Avec une partie collector aussi. Ouais, hein. Une partie collector. Il y a un CD Deluxe avec trois morceaux en plus et trois prods. Et une box avec un t-shirt Giorgio en plus. Ouais, je suis sûr, Giorgio, que tu aimes bien cet objet. Tu aimes l'objet, tu as envie d'avoir l'objet. Ah ouais, moi je kiffe l'objet. C'est vrai? Ouais. Regardez les crédits, regardez toute la pochette, ça. Non mais tu sais que j'utilise même pas l'objet, parce que généralement quand j'achète un CD, je le télécharge pour l'avoir dans mon ordinateur, etc. Parce que le mettre dans mon Mac ou un truc comme ça, c'est j'ai la flemme, quoi, mais je l'achète pour lire les crédits, juste cliquer pour sur avoir un le livret, chiant, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, t'as besoin d'avoir un petit peu tout ça, d'avoir l'album, de regarder un petit peu. Ouais, j'adore les crédits. Depuis tout petit, je lis les crédits de tout, quoi. Même les remerciements des personnes que je connais pas, j'aime bien. On n'a pas encore découvert la pochette de Giorgio. C'est bon, il y aura des surprises dedans. Il y a du contenu, on pourra regarder. Ouais, un peu. Bien sûr. Ouais, j'ai mis des anecdotes sur chaque morceau dans le livret. Pourquoi je l'ai écrit, ou comment je l'ai écrit, ou pourquoi ce thème, etc. Donc voilà. Il est complet. Ouais, à fond. C'est à partir du 16 octobre pour avoir l'objet, ou sinon dès maintenant vous pouvez commander cet album et récupérer des morceaux. Tout à l'heure on fera tourner la roulette 41759, et puis on va en profiter aussi pour lancer, parce qu'on généralement on le dit à l'heure du freestyle, mais demain il y a un freestyle avec des mots que vous allez choisir. Ouais, carrément, ouais, un freestyle avec des mots. Vous nous envoyez les mots avec le hashtag Giorgio sur Skyrock, et puis j'en prendrai. T'as déjà commencé à regarder un peu ce qui est arrivé depuis lundi ou pas? Non, mais on a vu des mots défiler, et puis on va tous les récupérer ce soir, et puis demain j'écrirai un petit truc, ou je ferai une impro, on verra. Très bien, donc demain, et d'ici là, balancez vos mots, un mot, un seul mot à chaque fois, 41759, soit c'est par SMS, soit avec le hashtag Skyrock, ou le hashtag Giorgio sur Skyrock, ça arrive dans le studio. Exactement. On va remettre un autre titre, Giorgio? Bah ouais, carrément. Si tu veux bien, un autre morceau qu'on va pouvoir... C'est quoi? C'est un titre inédit? C'est un morceau que t'as déjà passé? Je sais pas, je t'avais envoyé... Jeudi Gris, il s'appelle. Jeudi Gris. Ouais, c'est la première fois qu'on le passe. C'est l'intro de l'album. C'est un morceau produit par Diaby et c'est un de mes préférés, vraiment. Donc alors celui-ci, tiens, si j'ai d'un seul coup, on prenait la pochette, qu'est-ce qu'il y aurait marqué sur... Il y a un truc de marqué d'ailleurs dessus? Ouais, mais je veux pas le dire parce que je garde ça pour ceux qui découvriront l'album. Mais ouais, c'est une anecdote marrante. Enfin, c'est un morceau assez triste, mais l'anecdote est marrante. Donc on la laisse pour le 16 octobre, suspense. Très bien. Ouais, là, on va écouter le morceau. Vous réagissez sur ce morceau, titre inédit de Giorgio. C'est parti, ça sort le 16 octobre et ça s'appelle Jeudi Gris. Bang! Une route, un destin, une envie, un chemin, un rêve, un voyage, un regard vers le large. J'attends si peu des autres, j'ai déjà déçu les miens. J'attends beaucoup de l'amour, mais beaucoup restent en chien. J'en ai trop vu se planter, faire des croix sur le futur et accepter qu'on puisse rien faire pour les sauver, c'est le plus dur. Réaction égoïste, ma tête me terrorise, quitte à partir. Faites-moi mourir de rire, y'a rien de pire que la honte qui te hante. Quand tu entends un rire comme un couteau qu'on te plante, tu repenses à avant, avant les coups de poing dans le ventre. Car aujourd'hui c'est pas rien de respirer. Mon air sans les regrets, le beau temps, les envies, ils m'ont tous esquivé, ils m'ont tous esquivé. J'aimerais prier la vie d'un jour sans punir, ou pourquoi pas dire au revoir et m'enfuir, ou la revoir et puis m'enfuir. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir, mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir, mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. Les yeux pleins de sang, je recherche mon chemin de croix. Combien ne croient plus en l'amour après l'avoir trouvé plein de fois. Faut tout le temps faire semblant que mes nuits ne sont pas si cruelles. Accepter que le monde tourne ailleurs qu'autour de moi. J'ai autant peur du temps que j'ai peur de moi justement. Je m'épuise à travers les yeux d'un jugement, de quelqu'un qui ne sait rien. J'ai perdu ma routine, y'a plus de doute, je suis pas dans le bon train. Sur les mauvais rails, rails de coca demain. Et demain c'est maintenant, je pleure l'amour à jamais. Car jamais c'est souvent, et souvent c'est la routine. Les déceptions, un gros cul dans la cuisine. Tu passes ton temps à subir, mais autant être deux, quitte à subir. Y'a tellement de choses que je ne contrôle pas. Marre de la dépression, mes problèmes de bourgeois. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir. Mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir. Mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. La solitude fait écho à mon propre moi, propre moi. Quand la terre me met hors de moi, hors de moi. Quand je chante, je suis hors la loi. Je me livre quand d'habitude, je n'essaie même pas. Faut tout le temps faire semblant que j'ai des montagnes de rien. Que mes problèmes vont se résoudre, des tiens. Que la vie t'en rajoute des problèmes, des montagnes à gravir. Sans lune ni soleil, mes nuits c'est les tourments. Mes rayons c'est des doutes. La vie est sanglante, elle m'épuise tant, elle me coupe. Des fusées dans la tête et mon cœur en vitrine. Des soucis qui me tabassent, du bonheur je me vide. J'ai reconnu à mon âme qu'on était peu sincère. Que vivre dans l'apparence, c'était beaucoup de galères. C'était beaucoup de galères. Giorgio, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Titre inédit celui-ci, le morceau, il s'appelle Jeudi gris, extrait de l'album Bleu Noir. Ouais, c'est, je crois que le titre, ça m'est venu d'une phase justement de Carlito de la Mafia Quin Fri qui disait j'enchaîne les nuits blanches, les jours noirs et les jours gris, un truc comme ça. Et ça t'a marqué, gris, tu t'es dit comme ça. Ah, jeudi gris, c'est pas ouais, mal. Ouais, j'aime bien. Je peux en faire plus, un j'aime morceau. J'aime bien mettre des couleurs, etc. Ah, bah j'ai vu, ouais. Sais. D'ailleurs, l'album s'appelle Bleu Noir. Bleu Noir, oui, cherchez pas non plus trop de roses, de trucs comme ça, mais c'est plutôt, ouais. plutôt dans les tendances grises. Je déteste les noms d'albums avec la couleur. Je ne t'avais pas présenté. Moi, c'est jamais, j'ai jamais fait ça. Je ne t'avais pas présenté encore parce qu'en plus, c'est pas l'heure. D'habitude, c'est très bizarre. À 20h07. Si. Moi je suis très étonné, très bien, quand même. Très bien. Tu ne sais pas ce qui se passe. J'honore quelqu'un que j'apprécie, toi, mec. C'est tout. Mais oh là là. Ça veut dire que d'habitude tu n'honores pas les gens. Oh l'enfoiré. Et il est arrivé. Ouais. Ton invité. Mauvaise langue, Fred. Très mauvaise langue. Très mauvaise langue, Fred. Très mauvaise. Fred a toujours été mauvaise langue, hein, ça. Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais on peut le dire, je suis une merde. Non, j'irai pas jusque-là. On peut y aller, hein. Moi, je non, peux non, tout, non, donc, non, non. On n'a pas un petit clash à mettre en place. Il y a toujours quelqu'un qui vient te voir avec un clash. Donc, j'ai rien ramené aujourd'hui. Ouais, bah là, cette semaine, je me suis régalé déjà, ça va, là. J'ai déjà eu ma dose. Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu, mais ça arrivait direct via Miami. D'accord. Une ligne directe avec Miami, donc je m'en suis pris. J'en suis pris une en début de semaine, donc c'est bon. On peut. Ah, j'irai voir. On peut. Oh, bah, tu vas trouver facilement. Bon, comment ça va, Youssoufa? Ça va très bien. En pleine forme? Ouais, très bien, très très bien. Je te présente Giorgio. Giorgio, bleu noir. Ouais. Bleu noir. C'est vrai qu'on parlait d'albums avec des couleurs. Voilà. Ouais. Moi, c'est pas du tout mon genre, tu vois. J'ai un truc qui s'appelait Désir quelque chose, mais tu vois, le noir, moi, j'aime pas trop. Ah oui, c'était quoi? Rouge des. Ouais, rouge non. Désir. Ouais, non, je sais plus. Violet. Mais bref, ça me parle. Et puis un jeune homme que j'aime. j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que j'ai apprécié son son avant de le connaître, en fait. J'avais acheté. Homme de l'ombre. Le EP. C'était quoi, à l'abri? Ouais, c'était à l'abri. À l'abri. Et j'avais écouté, je me rappelle, à la radio, comme ça, j'étais tombé sur le morceau avec le refrain. Je chante moins bien que Giorgio, oui. On a remarqué dans les studios. Non, il y a un petit truc. Tu devrais te lancer. D'été, tu vois, et puis en plus, j'ai vu qu'il y avait des prods de Soul Children. Ouais, exact. Et Soul Children m'ont produit l'effet papillon, les apparences mouvantes, menaces de mort et tout. Et donc j'ai été curieux et depuis je le lâche pas. Et puis là il sort son premier album. Vous avez pas fait des scènes communes? Il n'y a pas eu des festivals? La Défense d'ailleurs qu'on fait. On a fait ça. Festival Chorus. On a parlé. Chorus des Hauts-de-Seine, ouais. Il est rentré dans ma loge, insolemment comme ça, tu vois, génération insolente. Et puis il m'a commencé à me parler et tout ça là. Et je me rappelle, il m'a dit un truc genre ouais, je suis allé dans des concerts à toi. Je suis allé à des concerts à toi, c'était où? À la foire. C'était à la foire de Paris. À la foire de Paris. À l'ancienne. Et à l'ancienne. Et tu me dis, ouais, voilà, exactement. J'ai pris des photos avec toi et ça. J'ai dit, putain, tu confonds avec Akhenaton, frère. Bah oui, en plus. Il y a une similitude. Exactement. Dans la langue. Et je dis, ouais, non, c'était toi. Surtout physique. Voilà, exactement. Physiquement, en plus, on est vraiment les mêmes. C'est les mêmes. Et puis, du coup, voilà. Donc, très honoré d'être apprécié par un artiste que j'apprécie particulièrement. Et donc là. Nouvel album, j'ai pas encore écouté, j'ai écouté juste. Terrible. Rêveur, t'as pas entendu le Rêveur là? Rêveur pour Anatole. Ouais. Ah bah ça, j'ai écouté. J'ai vu le clip. Et j'aime beaucoup. Et bon, on va découvrir. Bah, moi, j'aime le foot en plus, j'aime bien. Et c'est le frérot, c'est vrai? Ouais, c'est mon vrai frère. Ouais. C'est même vrai dans le clip, c'est mon frère de sang. C'est lui qui casse une petite lucarne bien, j'ai vu ça. Et j'ai vu aussi Les Anges Déçus. Les gens déçus. Les gens déçus, les anges déchus. Ah, c'est chiant à dire. Ouais, c'est pas facile. Et j'aimais bien justement le titre, c'est pour ça que je suis allé voir. Donc t'as vu, je suis. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Ah, je suis. Bravo, il a bien révisé avant de venir. Je mérite au moins normalement de présenter la Nocturne de Skyrock, mais bon, ça c'est mais bientôt. Une autre histoire. Ça. Oui, mais ça arrive. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Nocturne, il y aura bientôt Sams aussi, SP aussi d'ailleurs. SP, Sams, des gens que je connais très bien. Des gens que tu connais très bien là pour le mois d'octobre. Le 30 octobre. Ouais, vous allez maquer le truc. Donc on passera. Toi, Giorgio, Youssoupha, la première fois, je sais pas que t'as entendu un morceau de Youssoupha. Moi, le premier morceau, je crois que c'était. Le premier morceau où t'étais né. Non, je crois que c'était Les Apparences Nous Mentent. Les Apparences Nous Mentent, ouais. Et c'était Soul Children déjà. Et il y avait un morceau aussi, Si J'étais Mort, je crois, non? Youssoupha est mort. Youssoupha est mort, ouais. Je me rappelle. Ouais, ça j'ai avec le sample à l'époque du Street CD. Ah oui, t'es. Ah, il connaît, c'est classique, hein. Ouais, non, mais il écoute du rap depuis qu'il a 6 mois, quoi. C'est ça. Depuis tout jeune, j'écoute. Éternel Recommencement, non? T'avais écouté aussi celui-ci? Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je suis vraiment tout dans le rap, quoi. Ménage à 3, tu avais écouté aussi quand vous faisiez partie du Ménage à 3. Ouais, tu parles du crew, hein. Tu parles pas de. Hein. Non, bon. Ça, j'avoue, j'ai un peu moins écouté Ménage à 3, tout ça, mais. Laisse-le tranquille. Non, rien, c'est comme ça. Calmement, je vais le laisser tranquille, parce que là, on va passer un des morceaux, mais un morceau de Youssoupha. Puisque le clip aussi est arrivé quand, hier ou avant-hier, non, toi? C'est quel morceau? À cause de moi. Ah, à cause de moi, oui, et le clip est arrivé il y a 3 jours. Ouais, c'est ça, il y a au début de semaine. Ah, exactement, ouais, très bien. Ah, tu. Je suis plus trop l'actualité rap, en fait. Ah, moi, je suis bien. Alors, l'écoute maintenant à cause de moi, Youssoupha, l'invité de Planète Rap et l'invité de Giorgio ce soir. Yes. C'est Youssoupha à cause de moi, à l'instant Youssoupha, il y a du bruit à cause de lui partout et bientôt au Zénith aussi, hein, ça approche Youssoupha. C'est le 10 novembre. C'est le 10 novembre. Zénith, et puis là on commence à Lausanne, c'est samedi. Et direct la semaine prochaine, il y a Reims, il y a Martigues, la grosse tournée commence après les festivals, donc merci à vous. Ça va être marrant de voir ce morceau en live justement à cause de. Tu l'as déjà joué? Ouais, en festival c'est déjà un peu, il est un peu calibré un peu pour les scènes, donc du coup il fonctionne bien, ben, tant mieux. Et ouais, donc c'est un peu l'hymne de la tournée, et puis ça se passe bien quoi. Et bah loupez pas notamment le Zénith de Paris le 10 novembre, dans un mois maintenant. Ouais. Il reste encore quelques places, on peut trouver quelques places. Ouais, encore. Tu peux encore trouver des places, donc. Faut y aller. Courez, prendre ça. Et puis je viens d'apprendre aussi que le 22 janvier. Ouais. Exact, ouais. C'est la cigale. La première cigale. Ouais, Giorgio, première putain. Cigale, ouais. J'ai l'impression que Giorgio, c'est moi en fait. T'avais fait toi la cigale? Moi aussi, c'était la cigale. Le premier concert, c'était la cigale. Donc, un petit conseil peut-être pour Giorgio, pour la cigale. Ce qui se passe derrière, les loges sont bien. Les loges sont pas de ouf. Je vais pas le mentir. Par contre, l'acoustique de la salle, et la salle, elle est magnifique. Et franchement, je vais pas te mentir, ton public, il va kiffer. Donc vraiment, si jamais. Longue carrière à Giorgio, mais si jamais vous êtes vraiment des vrais soldats, ratez pas le premier concert, à mon avis, fondateur, parce que souvent, moi, je fais des Zénith, je fais des Olympias, c'est terrible, hein. Mais le charme de mes premiers concerts, forcément, ben, ça s'inscrit dans une histoire particulière. Donc, si jamais vous êtes vraiment un soldat de Giorgio, petit conseil, hein, moi, je vais y être. Donc, franchement, le 22, t'es libre? Ah, le 22, Inch'Allah, normalement, moi, je suis libre. Donc, moi, c'est noté. Mes dates, elles s'arrêtent à Noël et je reprends en février, donc je serai là, Inch'Allah. Très bien, donc, voilà. Youssoupha et Giorgio, et peut-être une combinaison aussi. On va se faire plaisir. Tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Ça se trouve, je serai même dans la fosse, en train de faire un pogo. Même sur les slows, je m'en bats les couilles. Eh bah, écoute, non, il n'y a pas de slow à nos concerts. Même sur les morceaux calmes, il y a une énergie. Il n'y a pas de quart d'heure américain. Oui, je t'ai vu, c'est ça, mais il n'y a pas de quart d'heure américain. C'est là où on voit que t'as vieilli. C'est là où on voit. Il n'y a pas de quart d'heure américain. Non, là, c'est. Il y a de l'énergie derrière toi. Que de la box taille. Il y a un DJ et il y a un autre gars. Ils sont là, ils sont derrière. Sur les pattes, c'est Rooster et. D'accord, sur les. C'était toi, non? Avec les lunettes. C'est lui. T'es excité, toi, mec. Qu'est-ce qui. Mais quelle drogue tu prends, frère? T'étais chaud. C'était un truc de ouf. Parle dans le micro, Diaby. Ouais, parce que. Non, Diaby. Je te jure, j'en prends pas à la tête, j'en prends pas. Je t'ai vu, en fait, il avait un espèce de pad qui est tourné vers le public sur lequel tu fais des roulements. Et qui relance le DJ. Ouais, c'est ça, ouais. Et je vais te dire un truc, j'ai piqué ton idée. Bah ouais. Ah, bah au moins tu l'assumes. Et voilà. Et les gens. Oui, non, mais sur le coup, je ne l'ai pas assumé parce que les gens, ils disaient, hey, elle est super ta nouvelle idée. Et j'ai dit que c'était moi. Voilà. Donc s'il y a des gens qui te disent, frère, bah voilà, t'es arrivé qu'à arriver avant, frère. Voilà. T'as vu ça, Giorgio? Ouais. Mais ça fait plaisir de voir qu'il nous pique nos idées. Ah ouais, non. C'est vrai qu'il a piqué ton répertoire aussi. Non, mais gros live en tout cas, gros live, beaucoup d'énergie comme il dit. Et donc, ouais, Sanka qui l'accompagne, tout comme Espy t'accompagne sur scène, il y a Sanka. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, je suppose. Bon, vous connaissez aussi, tout comme toi, tu connais bien Espy. Ouais. Mais voilà, il y a évidemment la personne qui est sur scène et puis les autres qui sont là, mais qui sont pas là pour faire de la figuration. Non, c'est un prolongement parce que des fois, on va pas se mentir sans faire les mauvaises langues, des fois, tu trouves aussi des gens sur scène qui ont des gars qui sont là un peu pour faire statue, tu vois ce que je veux dire, qui sont là pour faire poster. Là, l'équipe, vous êtes quatre à la base. Ouais, et l'équipe de quatre fonctionne. Non, mais vraiment. Moi, en tout cas, concert de Giorgio, j'irai. Il y aura du live tout à l'heure, Giorgio. Ouais, hein, carrément. Du style avec Sopico, Vesti, Sanka, Youssoupha. Et bah, Youssoupha, pourquoi pas, tu restes à la fin. Oui, bien sûr. T'as rien prévu. Ouais, non, mais tu sais quoi, j'arrive parfois des fois en retard, mais je reste toujours jusqu'à. Tu seras en retard sur ton prochain rendez-vous après. Putain. Bon, bougez pas dans un instant. Quel morceau on met, Giorgio, juste après on la pub? On met le morceau Malik. Ah, ça c'est un morceau, moi je l'ai écouté franchement. Alors tiens, Youssoupha, j'ai eu la chance d'écouter ce morceau. J'ai pris vraiment une claque, je te l'avais dit d'ailleurs, que j'avais écouté ce titre. Je pense qu'il faut aussi que tu l'expliques, que t'en parles, mais ou alors peut-être le passé, on en parlera après. Si je peux me permettre, en plus, mon fils s'appelle Malik. Ah bah. Donc en fait, en vrai, je te cache pas que je vais écouter. Okay. C'est une histoire noire là. Ouais, on souhaite pas à Malik la même chose. Ok, d'accord. Ok. Et bah, je vais écouter ça. Ouais, on l'écoutera ou tu veux dire un mot avant, après? Non, écoutons-le, puis je dirai un mot dessus après. Eh bien, ne bougez pas, ce titre s'appelle Malik, il est extrait de l'album Bleu Noir de Giorgio. Ça arrive dans un instant. La roulette qui va tourner aussi, inscription dès maintenant, par SMS 41759. Laissez votre prénom, numéro de téléphone. Une autre grosse tournée, hormis celle de Giorgio et Youssoupha, c'est celle de Soprano, le Cosmo Tour. Ouais. Et il y a des places encore à choper tout à l'heure, 41759. Allez voir Sopra et venez choper vos places dans une petite demi-heure. Yeah. 20h, 21h, Planète Rap reçoit Giorgio. C'est le Planète Rap avec Giorgio, notre invité. Je rappelle aussi, tiens, Youssoupha, tu connais pas, mais on a un nouveau principe depuis la rentrée. C'est la ligne directe pour joindre Giorgio et les artistes de Planète Rap. Donc ça va d'artiste en artiste chaque semaine. Je crois qu'il est bloqué là. Ouais, c'est possible parce qu'il y a tellement d'appels. 06 71 74 84 15. 06 71 74 84 15. À n'importe quel moment, il peut décrocher. Je peux décrocher, allez hop. Ah bah vas-y, décroche, tiens. Regarde, On en parle. Ah, c'est comme ça. Ouais, allô. Ouais, ça va. Ouais. Yes, c'est qui? Tranquille, toi. Tranquille. Sam. Sam, tu viens d'où? Non, Tom. Comment? Tom. Ah, excuse-moi, tu viens d'où, Tom? Ah, putain, de Lyon, moi. Aïe, c'est cool. Ah, il est ému, hein. Ah, il est ému. il est ému. Normal. Demande-lui s'il a bien retenu tout, la 16 octobre, machin. T'as bien retenu la date de sortie de l'album? Non, en fait, c'est ça. Ah, je passe sous un tunnel, il nous fait le plan de je passe sous un tunnel, le salaud. Mais grave. Attends, t'as dit quoi ça? On t'entend mal. Le 16 octobre. Ah, il est ressorti du tunnel, bien vu, bravo. Gros, ça fait plaisir. Les gars qui connaissent. J'ai précommandé, t'inquiète. Ah, tu me fais plaisir, mec. Franchement, c'est archi cool de soutenir. Vas-y, j'ai un bon moment, je suis refait. C'est de fou ça. C'est fou, hein. Attends, t'appelles les gens comme ça. Comme ça, direct, à n'importe quel moment. Moi, tu veux que je te passe Youssoupha ou quoi? Ça va, vous avez du forfait, hein, pour être... Ah, Youssoupha. Tom, ça va ou quoi? Tom, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, allô, ouais, c'est Giorgio là. en tout cas, non, mais cool, hein, je connaissais pas le concept du téléphone. De la ligne directe. Du coup, maintenant, je vais te passer la ligne directe de Fred, alors c'est 0662. non, mais en tout cas, merci pour la force, Tom, ok? Ouais. Je vais passer une petite dédicace vite fait. Ouais, dédicace, vas-y. Vas-y, bah, Rémi, Léo, Tom, tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Bah voilà, je vous aime. Hey, Tom, oh là là. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour les tiens, mec, c'est beau. Tom, t'as un ami qui s'appelle Tom. Oui, Tom. Non, voilà. J'en ai plein. Ah d'accord, ok, vas-y. Il s'auto-dédicace. C'est toujours pratique. Vas-y. Toujours mieux servi par soi-même. Giorgio, ouais, c'est toi. Hein. Yes, gros. Vas-y, tu peux aller, pour moi, tu peux aller voir sur Facebook, on a une page, ça s'appelle 5 saveurs. 5 saveurs. Et ça parle de quoi? Bah en gros, si tu veux, on est 5, bah normal, et on commence à faire un peu de rap entre nous, bah on est pas très bon pour l'instant, mais... Bah, celui-là, il le reconnaît au moins. Ouais, bon, on n'est pas très beau, mais. Bah, force à toi, en tout cas, pour progresser. Je te souhaite le meilleur, mec. Et bah, merci à Tom, en tout cas, d'avoir été là avec nous. Par téléphone, sur la ligne directe 06 71 74 84 15. Giorgio, on a premier morceau avant la pub. Morceau qui s'appelle Malik, qui est extrait de l'album. Ouais, carrément. On le balance, on en parle après? On le balance, on en parle après. Écoute bien Youssoupha aussi, je pense que ça va te plaire, ce morceau. Je crois qu'on avait 16 ans à tout péter. Je me rappelle, il pleuvait, pourtant c'était un jour d'été. On était quoi, 4-5 refs, pas plus, hein. Ouais, c'est ça, ils zinc de Malik venaient d'avoir une BM9. Rien qui faisait crier les pneus, pleurer les freins, monter à 100 quelques secondes. On était fous à cette époque, on était tous en quête de rond. Touchez-moi le lendemain de soirée, ça appelle vomi sur mes draps. Changer la patte, j'apprends ce moment où papa reviendra. Une fois fini, comme une récompense, la pluie s'arrête, on descend tous. Pourquoi faire, je sais plus, on est dans le flou. Autant profiter du beau temps, après la tempête qui t'a svané, autant le faire dehors, sous un arc-en-ciel. Et là, cousin Malik descend de sa BM. Il nous raconte de belles histoires, monopolise la parole d'une manière interminable. Malik lui demande les clés, la suite je m'en rappelle pas. Je me souviens de nos yeux étonnés quand il accepta. Malik, je repense à Malik. Malik, te rappelles-tu de Malik? Malik, je repense à Malik. Malik, te rappelles-tu de Malik? Malik courait avec les clés et les plus vifs couraient après. Mais le cousin a dit personne monte, moi je veux pas de soucis. Ah ouais, on entendait la BM un peu partout. Il avait pas menti, c'était un vrai pilote. Accélérait, grillait des feux, nous on criait, on était fous. Malik écrasait les pédales comme pour fuir son père ivrogne. Conduire son permis, quelle sensation, il avait l'impression d'être libre. D'emmerder le monde, faisait gronder le moteur pour père aux filles. Fallait ramener la caisse, suivi par les flics qui commencent à flipper. Il loupe un stop, puis écrase un gosse devant le centre aéré. Malik, je repense à Malik. Malik, te rappelles-tu de Malik? Malik, je repense à Malik. Malik, te rappelles-tu de Malik? Par peur Malik s'arrête pas, au contraire accélère, entend des mères crier. Quel merdier, que faire, faut réfléchir et vite. 10 000 questions dans sa tête, est-ce que le petit est mort, va-t-il prendre cher? Doit-il s'arrêter et reconnaître ses torts? Le cerveau contre la pute-tête, il tente d'échapper aux flics. Prend trop triste, même pour un as de la vitesse. Pour éviter une caisse, Malik monte sur un trottoir. Finit dans une cabine téléphonique, sort de la paix, mais c'est trop tard. Il voulait juste une balade dans un carrosse. Finira au placard avec les menottes. Et aujourd'hui, tous ses potes sont des fantômes. Devant la mère du mot, meurt chaque jour dans ses sanglots. Il voulait juste une balade dans un carrosse. Finira au placard avec les menottes. Et aujourd'hui, tous ses potes sont des fantômes. Devant la mère du mot, meurt chaque jour dans ses sanglots. Thank you. c'est le Planète Rap avec Giorgio. C'est un titre inédit, il s'appelle Malik celui-ci. Ouais. J'avais dit que ça allait faire réagir, hein. Franchement, c'est prenant, je trouve, ce morceau. C'est très touchant. C'est Malik. Très touchant. Il sait écrire des histoires, bravo frère. Ouais. Merci beaucoup. Tu parles beaucoup de tes de choses comme ça, parce qu'il y a le morceau pour ton frère, il y a celui-là qui est vraiment touchant. Et je crois que c'est Lionel de Soul Children, la dernière fois, il me disait il avait bossé sur ton album et vous avez travaillé un morceau qui s'appelle La Salle Saint-Cloud. Ouais, exactement. Ouais. Et il m'a dit, tu lui parles de ta grand-mère, j'ai jamais écouté, mais il m'a dit, enfin lui, ça l'avait beaucoup touché. Ouais, ben, ouais, c'était le premier album et c'était un peu aussi l'occasion de parler pour les miens. Et donc, du coup, c'était une bonne. Enfin, ouais, ce morceau, Malik, c'est une histoire inventée. Inventée, ouais, enfin, parce qu'on nous demande est-ce que c'est une histoire vraie. Enfin, je suppose qu'il y a plein de petits bouts. Cette histoire est vraie, mais je connais pas du tout cette personne. Je l'ai modifiée et j'ai changé le prénom, mais j'aime bien le prénom Malik, du coup. Je l'appelais Malik, et puis c'est mélangé à plein de faits de ma vie, etc. Bah oui, parce que malheureusement, alors. On n'a pas tous connu quelqu'un qui a renversé un gamin, mais on a tous connu des potes qui sont partis un peu éclatés et qui parfois sont parvenus aussi. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. C'est malheureusement des choses qui arrivent. C'est très réel quand même, c'est très réel, tu vois, malheureusement. Ouais, puis c'était aussi. L'idée c'était aussi de se poser la question si un super pote à toi ou un bon pote à toi, il fait une connerie, peu importe ce que c'est, est-ce que tu le pardonnes ou pas. Et parfois c'est délicat, donc c'était cette gêne un peu qui était aussi intéressante à dégager quoi. Bah, je trouve que c'est un super morceau et je vois que ça touche beaucoup de monde, en tout cas vu le nombre de messages qu'on a reçus avec ce titre Malik à l'instant. Malik est un chef d'œuvre, on nous dit, c'est Sandro qui nous envoie ça, j'en prends au hasard, mais il y en a plein d'autres. Et tu vois juste au-dessus, je la trouve dégueulasse cette chanson, comment peut-on mettre Max. En musique, c'est honteux. Bah tu vois, c'est justement ce sentiment que je voulais provoquer. Ça, tu voulais ça aussi, tu voulais ses réactions? Bah oui, parce que s'il le trouve dégueulasse, c'est que tu vois, ça le touche et pour lui on pourrait pas le pardonner, donc. C'est un point de vue que j'entends. D'ailleurs, je sais pas ce que j'aurais fait. Et moi je prends aucun parti pris dans le titre, tu prends pas un parti, tu racontes une histoire. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu vois, au moins c'est que ça l'a touché. Ah ouais, c'est marrant, j'avais pas vu ce message. Non mais c'est bien. Moi, Max qui nous envoie ça comme message, écoute, si ça peut provoquer le débat et au moins faire de temps en temps réfléchir. C'est vrai qu'on est un peu éclaté de pas prendre le volant. Dans son rôle d'artiste et dans son rôle de rappeur, c'est quelque chose de très bien de faire les choses comme ça, de mettre les gens mal à l'aise ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien ce que tu fais d'ailleurs sur ton album. Il y a un morceau aussi où inspiré par ton frère. Niquer ma vie ou pareil. Niquer ma vie, voilà, avec le clip d'ailleurs qui est fou, Niquer ma vie. Avec les tableaux, Et ouais, pareil, on essaye. Moi, ce qu'il dit, je le comprends totalement. Quand je commence mon morceau et que les gens ils disent comment tu peux dire ton frère a niqué ta vie, ben je dis justement, c'est parce qu'en fait, on a tous des proches où c'est compliqué. Malheureusement, ça existe. Et moi, c'est une chanson, bah en fait, en vrai, ça me touche. Et puis tant mieux si ça provoque le débat, tant mieux. Exactement. Si y a des gens qui sont contre ou qui ont des arguments. On dit pas que c'est bien, il a pas de non, c'est ça. Ah non, bah il prend pas parti en plus. Voilà, il prend pas parti. Et puis il faut arrêter aussi le rap trop consensuel, je l'emmerde carrément. Ah bah c'est bien. Bon, Giorgio est en forme, on le retrouvera en live dans un instant. Prêt à emmerder la France entière, bougez pas. Mais juste avant, c'est Signoret de Paris par téléphone. Salut Signoret. Ouais, salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Je te présente Giorgio qui est là, il y a Youssoupha ce soir aussi. Ouais, salut, Giorgio, mon sauce. Ça va, toi? Ouais, super. Oh, bleu noir, impeccable. Allez tous l'acheter. Allez, merci, mec. Tu l'as déjà signoré, l'album? Je l'ai précommandé. Il arrive, la box, t'as vu? Il a précommandé la box. Bah, bravo, Signoret. Ah, ouais. Eh, Giorgio, y a moyen de freestyler le 22 après la cigale? Après la cigale, tu es sur le trottoir de la cigale juste après. Non, mais c'est vrai que généralement tout le temps après mes concerts. Ah, je suis chaud. Sans doute que ça se fera, ouais. T'inquiète pas. Tu viens le 22 janvier. Ça fait plaisir. Signoret, déjà là, on va t'écouter. Plaisir. C'est parti, session freestyle par téléphone, vas-y. C'est parti. Ok. Parfait. Giorgio. Signoré, Youssoupha, des acharnés. Depuis que j'ai sipi, je me précipite dans le précipice et c'est supplicé. Depuis que j'ai supplicé, j'ai du pli, c'est le front. J'ai du pli, c'est con, mais Jésus-Christ est bon. J'ai pu prier, je l'ai supplié, j'ai vu vite, c'est don. J'ai vu vite, c'est don. Quand ton cœur s'arrache, tu rejettes la faute aux cieux. Comme une grenouille arrachée, je sais que ça saute aux cieux, ils peuvent détruire la terre. En l'espace, une bombe, je préférais te faire Peter du ciel qu'être un esclave du monde pour 80% des gens qui m'entourent. Les sentimentaux, les grands qui pensent trop mais qui mentent. C'est autre, c'est clan gentiment faux. Stop, les bandits quand ils rentrent au boss, tandis quand ils pensent au boss. Si vous faites la morale, stompez dans ton grain, c'est votre rap game, c'est du gâteau. Mais j'y mets quand même mon grain de sel. Ce sont un millième de mes pensées, un dixième de mes ancêtres, un petit riff de mes sens, un petit test de mise en scène. Envie d'aventure, donc je vais faire la route à pied et entretenir la langue française en grattant des bouts de papier. En grattant des bouts de papier, signore. Eh, signore, pas mal, hein. Ouais. Fort, signore. Bravo, bien technique. Bravo à toi, signore. Merci, frère. Merci. Ah, ça fait plaisir. Mais on peut te retrouver sur le net, ouais. Tu veux balancer 2-3 adresses, vas-y. Ouais, voilà, allez checker Bueno Gang, c'est le groupe, c'est la page, on est tous chauds. Giorgio, je t'attends à la cigale. voilà, ouais. Youssoupha, c'est lourd. Allez tous acheter Bleu Noir. Merci. Voilà. Eh ben merci à toi, signore. Bien speed, ouais. En plus, terrible. Grave. Ouais. Ciao. Bonne soirée. Si tu es prêt, Giorgio, on va passer au live maintenant parce qu'on est déjà très à la bourre. À fond, carrément. Ouais. 100K. Il y a du monde. Youssoupha, tu vas lâcher un petit truc ou t'es en mode. Non, c'est. Spectateur. Giorgio. Ok. Giorgio, Youssoupha, 100K, quand vous voulez. C'est parti maintenant en live. Allez, balancez-nous ça, booster. 1-1-1-1-1. Ouais. 1-1. Ok. Perdu dans les usines, nos frères n'ont plus la force de rien. Moi je suis ailleurs, rêve aérien comme un dunk de Rudy Gobert, ouais. On est tous sous la North Face, l'amour frappe sur la grosse caisse. Ouais, on est tous sur la pauvre terre, faudrait changer d'atmosphère, partir au table sans imposteur. Je me suis envolé sous la douche, noyé dans l'ascenseur. Je perds la boule et je pense à l'impensable. Un incendie dans ma cave, y'a le respect qui brûle et l'amour à Sainte-Anne. Dans nos erreurs, on s'acharne, elle a donné la vie jusqu'à sauter la tienne. Triste destin de la sage-femme, on a refait la scène, celle des cœurs qu'on kidnappe. Une seule fois recommencer deviendrait un handicap. Solitude, enfantillage, loin de la vitrine de nos têtes de mort. Qu'est-ce que je vais faire dehors, nada? Mais seul chez moi, je perds le nord, pas grave. Je me dis qu'on va s'en sortir avec Rousseau. En faisant des concerts malades, voilà. Et vas-y laisse-moi croire qu'ils capteront plus tard qu'ils avaient tort. En pensant loin quand j'étais nulle part, mais pour l'instant je m'en sors bien. Même si je bois trop de café, je tape la nuit pour mettre Bleu Noir sur Skyrock et Bouscapé. Si on s'arrête un instant, j'ai peur de ce qu'on va voir. Des religieux qui étouffent des athées avec des croix ostentatoires. Ou peut-être l'inverse, qui sait. Souvent on en vient en main avec des langues aiguisées qui ne savent que mépriser. J'emmerde le monde, j'ai mes idées, ouais. Rime de gamin, bas de chien, t'as qu'à m'emmerder. On n'avance pas, parler avec l'inconnu est incongru. Dans Paris, je me fais des films et je m'endors sur un croissant de lune, ah. Non, aucune douleur, on accentue. Je suis insomniaque, je suis pas poète, donc c'est l'avenir qu'on a dans le cul. Ah ah ah, j'ai leur 100K, comment ça fait? Quoi? Hey, tout change le jour où tu te rends compte que ta vie t'appartient. Et si tu te couches à jeun, si t'as pas fait le taf, la plupart n'ont pas passé de bac, mais peuvent te soigner mieux qu'un pharmacien. Donc viens chez moi si tu veux contacter le mal. Je te donne le carnet d'adresse, signe et tu te feras ralentir par les femmes et la zep vite file. Et tout ce qu'ils disent, faut pas que ça t'atteigne. C'est dur comme un, c'est pas de sa faute. Si est allé, c'est ta mère. Et puis l'orphelinat, je m'en souviens pas, c'est pareil. Trop de choses en tête pour l'évacuer, j'ai le rap et ça me branche pas. Des fois je me dis que ça serait plus simple avec une balle dans le. Y'a plus rien qui m'inspirait. Continue ça, rapper c'est quasi facile, faut juste qu'un mélodie saine. J'habite le 18ème, je m'en sors sans faire appel au 17. Après la perme au lycée, you wanna weed, banal bitch, mon analyse peut satisfaire les fanatiques. Tu sais que c'est Paris, ma ville arrive, on te l'a déjà dit, j'arrive. Faut que mes problèmes et mes mots dispersent la rime de la zizanie. La vie de Nabila, que le taga des mots m'attire la zeille. Tu sais que c'est facile à dire, dans leur tête c'est le charivari. Dis pas c'est la vie ma bite, t'es bon si t'arrives à lire. Inspire la zé, panique, la miche, fais de la calligraphie. Pète à salle italienne, puis semble une vanille gratis. J'fume cette calicalienne, t'es que fume pas les cahiers de la street. T'as vu c'est pratique ma vie, je navigue la nuit, j'parle pas, j'domine. La vie de Nabila, que le taga des mots m'attire la zeille. Ok, j'bégaye, y'a qui me suis moi, ma légue, y'a pas de soucis. H24, perdu mon temps, pas voulu être au nord. Évoluer près des âmes en feu, pas d'enjeu, par ma passion pour le métronome. Le soir demande pas à Saï, mon pari demande à Saï. Ok, check, ok. Est-ce qu'il y a du monde, les gars, du coup, quoi? Check, 1-1, perdu mon temps, pas voulu être au nord. Évoluer près des âmes en feu, pas d'enjeu, par ma passion pour le métronome. Demande à Paris, demande à Saï, si c'est facile de laisser femme, il demande à Sam. Ils vont dire pour essayer juste ou pas, c'est quoi mon but, à quoi bon je lutte. Le mal m'épargne plus, la maillon tue, le maillon brûle. Peur du nuage de fumée blanche, quand ma ville s'éteint sans cesse. Entends mes boucles se plaindre avec l'alcool, un sucre, les tympes. Ok, est-ce que tu vois ce qui se passe, mec? On est sur Sky, à Youssoupha et Giorgio. Demande ça, Bleu Noir. Bientôt ouais, ouais. Pas yeah, yeah, yeah. L'école n'a rien pu faire, vite gang, certains faire, vite gang. J'esquive les ennuis, donc toute la nuit moi, j'vide l'encre et je rappe pas pour vite vendre. Gratte dans ma petite plante, charbonne et cabronne, mon album sera le Big Bang. Le Big Bang est posé, c'est haché à la machine. Moi si j'étais Kaiser Soze, il serait Kobayashi. Donc imagine que je rappe encore debout face au monde entier. Moi j'ai dû faire le doux pour qu'on me donne la moitié. Je m'en fous du quartier, il réduit nos limites. Gros, il crée des polémiques, trop, et je te le redis au micro. Mais pourquoi tu fais le dur? Les mecs sont fiers de leur département comme si leur daronne taffait à la préfecture. J'ai un taffé dur pour pénétrer dans les livres. Je connais des illettrés qui savent bien lire entre les lignes. Je me livre, véritable et vaillant dans ma fonction. La douleur est inévitable, la souffrance est une option. J'en ai coupé les crampes, vise ta trompe élégante. Je vise la tête quand on pointe, c'est les grands. Je gratte en célébrant ce rap, c'est les dents dans ma tête. Je vois que les filets dans sa perte, t'as un défilé de trans. Je respecte les filets dans ça, téléporter. Du mal à supporter, si peu d'éloquence. Gros, je suis mélo, mélo quand chante. Mis enchanté au philotello, j'exploite mon autre penchant. Redouté par tous tes gars, mais tout est calme. Face à moi, tu t'égares, car tu te doutes de tous tes carcouses. J'ai les cartes en main, j'ai posé les tacles. J'ai posé les j'craques de loin, j'compte laisser les traces d'ailleurs. Où sont les tasses, s'il faut, j'sais qu'à tous les tâches. J'cuisine mon rap, j'connais tous les plats, c'est sans l'étage. Gros, celui qui se casse la tête se reconnaîtra. J'doute de mon état, j'guette la mort du soleil comme Nicoletta, cousin. J'suis pas le seul, inspire. Je suis pas le seul à observer le temps qui défile. Dans l'immédiat, j'ai que des milliers de rimes en structure symétrique. J'ai que des dilemmes crades perdus dans l'illégal. Je voulais être dans le cinéma ou avoir la carrière d'inédite. Je te le dirai que dis, au lieu de ça, je crame des milliers de niax avec mes télékinésis. Donc désolé si c'est triste. Ouais, j'ai commis des phrases, pas que pour un petit épi. Alors faut que je cogite, c'est grave. On me dit marre de tes sons très sombres, mais avec l'olive grasse et mon sas de décompression. Là, je me défonce, c'est con, je plane. Pendant que l'heure tourne, je vois se décompter, je songe. A chaque note que j'ouvre, t'as deux questions s'énoncent. Ouais, j'ai ce mort de fou, t'inquiète, je m'en cogne de vous. Hein. Je veux pas de tes concessions, là, il me faut deux sortes de bonnes, peu que je pas dorme de vous. Pour faire de clash, donc stop tes menaces. Parce que la merde où je marche, ça fait que de ma vie, je me lasse. Ouais. Du cash, faut que je fasse, efface, que ce soit dans le rap ou le foot. Jouer à Arsenal, je dégaine mon arsenal. Contre l'état, c'est lâche. J'en ai assez phrasé, là, je suis fâché, je place. Une phrase pour les frères qui rêvent leur rust. Car les tasses n'ont pas été assez massées. Je lâche des phrases et je mâche pas mes mots. Juste pour qu'il les phrases effacent, j'ai des gâches et classé dans des maudites roches de classeur. Mon art pourrait devenir mon arme. Mon rap pourrait devenir mon arc. Et t'inquiète pas, qui même le shit en a en bas chez moi. Des Schmitt, y'en a une masse. Je croise des types de façon cool tout même. Ce collage jusqu'à une archifaya. Quand j'écris le polar, caillasse les fucking, je rate tranquille. Vous êtes pile dans le mille, je vous kill pour des petits connards. Je m'en pas une vite aux larmes. Les miens font du fric le soir. Un fesse plié, deux sticks chromatisés, écarte-toi vite de là. Les yeux pleins de sang, je recherche mon chemin de croix. Combien ne croit plus en l'amour, à vrai l'avoir trouvé plein de fois. T'en faire semblant que mes nuits ne sont pas si cruelles. Accepter que le monde tourne ailleurs qu'autour de moi. J'ai autant peur du temps que j'ai peur de moi justement. Je m'épuise à travers les yeux d'un jugement de quelqu'un qui ne sait rien. Il n'y a plus de doute, tu passes sur la route, non tu passes dans le bon train. Sur les mauvais rails, rails de coca demain. Et demain c'est maintenant, je pleure l'amour à jamais. Car jamais c'est souvent, et souvent c'est la routine. Les déceptions, un gros cul dans la cuisine. Tu passes tout le temps à subir mais autant être seul, quitte à subir. Ah ouais, y'a tellement de choses que je contrôle pas. Marre de la dépression et de mes problèmes de bourgeois. Le temps avance, repris, il faut confuse. Le temps m'électrocute entre le shit, la tease, la lassitude, l'esprit de ma clique. Je rame, on pense au frangin dans l'oubli. Dans la vitesse, je prends looping. Ensemble, on n'est pas de semblant pour le meilleur, pour le pire. Fidèle à moi, même dans l'errance, à plein dans la ville, à frère. Aucun mandat sans tamis, pas demande à ceux qui vivent à freine. Parce que pour le pif, c'est tant, fait ça pour que le kiff soit vengeant. J'ai cette pensée déçue en moi, précis quand j'exerce. T'es ma pyramide, allez, le site. Et les 2-3 pirates sur le ciment, je fais ça pour m'assumer, pour assurer chiffre. Plus tard, le 4 matic démarre à 13 avec des putes qui parlent, qui vont te faire payer sale. Le bruit des armes, les cris, les coups, les sapes. Je dois prendre le temps qu'il faut pour pas qu'on shoot. En fait, je dois douter. Après les ponts, des têtes devront être coupées. Bijoux, fac, disons les parties de en 13 biches, inégal et moi. Je reste piche depuis des années, cette fois je baisse pute qui veut parler rap. On t'explique car certains voudront m'accuser. Cette rage qui fait que me pousse épée, tout le coup puissant me protège. Mon ange de gauche, de droite, ma seule sécurité, mon art, ma seule lumière quand je traîne seul dans l'obscurité. Elle fait du bruit pour Giorgio. Elle fait du bruit pour Giorgio. Le noir fait du bruit pour Giorgio. Ouais. Eh, je rappe pas pour que des types me lèchent les balles de tennis. Pas pour qu'on dise de moi que j'ai la grâce de Kelly. En guise de page, souvent je me gratte la tête, je craque, je délire. Mes refs gardent la pêche et traque la peine et lâche le pénis. porte de la chapelle, à côté passe le périph. Près des carcasses de Vélib, cavale les crackman de Belize. Je vis ici, mais je suis fier de connaître le partage, le délire. C'est que tous mes gars frappent fort comme le tonnerre, donc ça cache le pays. Fais du rap, ouais, ça sent fort le pollen. Sous le regard de l'obélisque et du roi, tant que nos rapports le tolèrent. Sur les Champs-Élysées, tu vois ce que t'as pas tort de promettre, comme un porno pénible. C'est du sale, une métaphore de colère. Je suis de la génération qui veut briller. Pourtant, en dehors du collège, on s'est grillé pour des billets, pour vendre. On a des vies et tout le temps, la vie de rue te tord le pénis. Dehors, y'a que la mort. Le problème, c'est notre mode de vie étouffant. Pour Giorgio, faites du bruit. C'est là. Avec le démon, je pactise, je te le démonte, c'est pas factice. Moi, j'œuvre dans la pénombre, où les vrais nombres se baptisent. Ce que j'ai bâti fait partie de mon être. Moi, quand ça s'agite, j'ai comme Kakashi, j'active mon œil. J'ai plus de patience, kick, c'est mon passe-temps. Je fais la passe dans le centre pour ajuster mon placement. Ce n'est qu'un effacement, comme à chaque battement d'aile sans modèle, car on se fout de ton classement. Foutaise, mon rap, j'étais sorti de sous terre. J'quête les sous-tels, un braqueur pris d'une envie soudaine. Comme sur un coup de tête, je deviens sourd. J'ai comme des boules caisses, des boules presse pour te mettre des coups de presse. Ce rap me dégoûte S. Ma faute, je prête ma forte, ouais, à celui qui voudrait nous tester. Bref, pour le reste, je rappe pas pour le pêche. J'ai lu mon avenir dans les brèches, j'assimile ma vie à mes rêves, cousin. S pour Giorgio le 16 octobre. C'est VESTI. C'est VESTI. C'est qui? Ok. C'est VESTI. Brise le score, elle gobe, tout ce qu'on leur dit, c'est gore. Moi je suis en apnée, j'écris mes strophes, le vice et l'illicite c'est mort. Sache que veux stick qui kick c'est noir, méprise les ports. Si tu me donnes la clé, j'hésite pas, ma vie je la vise de coffre. Niquez ce putain de système, c'est pour ça que moi et mes frères nous militons. Et ça c'est clair, ça ferait zizir, comprendre plus d'illitrons. Nous limiterons les dégâts de nos renégats. Et celui qui trompe s'appelle le Mousséga. N'est pas de ceux qui nous imiteront que des arnaqueurs. Vite et flou, il faut que sa gueule lui mette un tas de la queue. Qui me poule, il faut que je t'écale ma gueule. Si on n'a pas conclu, surtout ne raconte pas ton cul. Surtout si c'est par laquelle on passe. Aïe. Surtout si c'est par laquelle on passe. Vesti, Giorgio, Vesti. Et ça fait bleu noir, ouais ça fait bleu noir, ouais ça fait bleu noir, ouais ça fait bleu noir, ouais ça fait bleu noir, ouais ça fait bleu noir, ouais ça fait quoi? C'est la fin, donner des rêves d'adulte à mes airs d'enfant. Mais comment être un homme, on se perd à faire semblant. Je comprends mon père et je fais que le ressembler. J'emmerde ta jeunesse dorée, je suis celle qui a plus de repères. T'es foncé, dépressif, névrosé. Je compte mon bénéfice avec des potes fauchés. Écorché, j'ai plus du NSI jusqu'à plus savoir compter. Je connais pas l'histoire, non je me dois de la vanter. J'écris mon destin prêt pour le festin des dieux. J'avais déjà un album et merde, peut-être que j'en ferai deux. Je me dois de guérir tous ces problèmes qui m'handicapent. La vue, une feuille blanche, chaque pensée noire fait du remplissage. Et je suis trop loin à tester la mort. Ouais frère, c'est hardcore tous les plans que j'ai là-bas. Pour quitter le navire sans noyer dans l'alcool. Addict à mon smartphone, je réponds peu à ma daronne. Et je le regretterai. Le jour où elle va perdre la vie, les nerfs à vif. On calme la jeunesse à base d'ecstasy. On voulait le haut de l'affiche, on finira plus par terre. Goûte la zèbre et roule un perse en guise de thérapie. Moi je combats le sang par mes sens si développés. Tu le ressens quand je crache le feu, ça sent l'essence enfoirée. En soirée, cherche pas l'amour ni l'amitié, tu me diras. J'ai trop de culpabilité pour habiter une villa. 1-1. Et vas-y, dis-leur à Kim ou alors dis-leur à Sanka. RK, yeah, yeah. Est-ce que tu vois ce qui se passe? On est là. Eh, check. Eh, nous on avance la tête baissée au lieu de mater loin devant. On reste les mêmes mais avec moins en moins de temps. Avec de moins en moins de potes. Véritable, des types qui guettent, regrettent de près ton héritage. Avant que la méritable sort un budget pour la jeunesse. Nous, on s'organise pour ne pas avoir à jeûner mal au genou. À force de prier, eh, c'est pas dans le foot ni dans le rap qu'on fera des billets. Y'a peu de postes et beaucoup de prétendants. Y'a plus de taf, plus de thunes, plus de love. Alors on ne pense plus à la descendance. On ne danse plus sur le rap. Quand on y arrache un hochement de tête, on l'estime honorable, c'est vrai. C'est pas la flamme de nos briques qui va éclairer nos routes. Et même en courant très vite, on ne pourra pas semer le doute. Soulever la coupe, aucune chance sans entraînement. On a du mal à aimer entièrement. Hey. Aïe aïe aïe. Merci à Georges pour ce putain de freestyle. Hakim, Vesti, Sopico, Inspire, Sanka, Youssoufa. Aïe. Et c'était encore un gros freestyle ce soir dans l'émission dans le Planète Rap entre 20h et 21h. Bravo à vous tous. On attend avec impatience la sortie de Bleu Noir, Giorgio, c'est le 16 octobre, ça approche dans une semaine. Merci Youssoufa aussi d'être passé ce soir. Merci, merci pour l'invitation à Giorgio. Et puis franchement, le peu que j'ai écouté, le EP déjà à l'époque c'était génial, et le peu des extraits là que j'ai entendu, c'est juste remarquable. C'est l'un des gros sur lequel il va falloir compter sur scène et sur disque. Allez vraiment pécho l'album. Moi, Bleu Noir Désir, cet album. Voilà, Bleu Noir Désir. C'est Noir Désir et encore, encore mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc allez vraiment prendre pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On appellera comme ça si on fait une réédition de deux albums ensemble. Que des mash-up, ouais. On ouvre un album en commun. Bon, merci en tout cas, merci Youssoufa. Bonne tournée, on rappelle le 10 novembre Zénith de Paris. 10 novembre Zénith de Paris, et puis la Suisse. Toutes les dates, voilà, exactement. Là, Lausanne, ce week-end, et puis après, on part en Saint-Etienne, Reims, etc. Et puis le 10 novembre au Zénith de Paris. À pas louper Youssoufa sur scène Paris, ça démonte. Bah oui, tu l'as vu, t'as eu l'occasion de le voir. Bah ouais, il y a des musiciens et tout, ça tue. Ah, on ramène la grosse artillerie. Donc vous avez bien, vous avez passé un super moment. Bleu Noir le 16 octobre. Merci à vous tous pour ce Planète Rap. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette et Diffoul juste après. Ça s'en prononce, Gaïran t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. Avec Brandon Elbeuf dans cette Elbeuf, ouais, Brandon, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, encore une belle soirée avec Giorgio à l'instant. Ouais, j'écoutais le son du bon son. Ah, merci. Ça sort le 16 octobre et toi tu viens faire tourner la roulette, c'est parti, on y va? C'est ça. Concert de Soprano qui va passer pas très loin de chez toi au Zénith de Rouen. Le Cosmo Tour à pas louper non plus. C'est parti. Quand tu veux. Et la roulette qui s'arrête sur... C'est fait. Les places pour le Cosmo Tour. Ouais, c'est cool. C'est deux places pour toi à au Zénith de Rouen. À pas louper, Brandon. Tu es sûr d'y aller? Ouais, sûr et certain. Merci à toi. Merci, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Bon, bah, je fais une petite dédicace à ma mère, ma petite sœur qui m'écoute en ce moment même, et puis mon beau-frère et puis ma belle-mère qui m'écoute dans la voiture. T'as oublié personne dans la famille? Non, et puis bah, t'es sûr? Ils me reconnaîtront. Ça roule, merci à toi, Brandon. Merci à tous. Ciao, bonne soirée. Salut. Ouais, je voulais juste passer une petite dédicace à un petit frère qui est tombé. Voilà, il s'appelle Momo et il est au Détroit à Fresnes, cellule 290. Donc voilà quoi. Et bon, il écoutait l'émission et il m'a envoyé des messages pendant le festival. Courage et force à Momo. Il a grave apprécié, donc voilà. Lui aussi, il te soutient fort, Giorgio. Ouais, force à toi, Momo. Merci à vous tous, Giorgio, demain de retour. Hein. Ouais, un petit peu avant 20h. On va faire un petit freestyle, mais on fera aussi des lives, des morceaux de et l'album. Et puis les mots que vous continuez à balancer avec le hashtag Giorgio sur Skyrock. Sans cas, ça va? Oh, pas aussi les dossiers. Qu'est-ce qui les dossiers? Non, je suis en train d'imiter Sanka qui avait un petit souci. Ah, Fred, oublie pas les dossiers. Ah, c'est quand la soirée dossier, Sanka? C'est demain. Ah, c'est demain. Demain, un régal. Ne loupez pas cette émission d'Ifool. Okay. Ouais. Tu seras là comme chaque soir. Ah, bah non, on écoute tous les soirs. Dans les bouchons, on écoute. Dans la voiture, on écoute Skyrock, on loupe pas. Merci, Giorgio. Merci, Youssoufa. Coucou, Youssoufa. T'es pas arrivé en retard, Youssoufa. Bravo. Si, si. Mais il est où, Youssoufa? Il est déjà sorti. Il est pas là. Il est en retard pour son prochain rendez-vous. Voilà. C'est ça, en fait, l'histoire. Ouais. Merci Giorgio, tu vas nous faire un petit coucou Giorgio ce soir. Ouais, je veux passer avec Sanka carrément. Okay. Ouais, c'est parti, un petit coucou dans un instant, vous tous en direct dans un instant aussi. Vous pouvez même nous appeler dès maintenant 01 53 40 30 20. Allez-y, venez faire les cons avec nous et c'est parti avec le fin. Quelques minutes. Terrible. Ah, terrible ça. Bon, actuellement Cédric ne peut pas vous répondre puisqu'il est en retard. Ah oui, mais c'est équipé là, Romano, t'as vu. Hein. Tout le monde est à l'heure. Ah non, mais c'est hallucinant le truc. Le retour de l'équipe. Mais il est souvent en retard. Remarqué aussi. Fred, c'est pas souvent, c'est constamment. Ouais, c'est ça. Et en même temps là, tiens, je suis en train de le voir arriver, mais le mec prend son temps. Il est en train de se mater. Il est en train de se. Je vous jure qu'il est en bas. Il fait une beauté. Il est devant les miroirs en bas. Il se mate. Ah ben là, il est tellement beau gosse. Il a bien du courage. Oui, il est si beau gosse. Ah, il va faire un peu de sport parce que là je le vois. Il se tourne vers l'escalier. Il ne prend pas l'ascenseur. Oh, c'est bien. Il va arriver transpirant. Et ah très non, beau il arrive gosse. En toute tranquillité le mec. Putain. En train de se. J'ai halluciné en train de se mater là. Bon ben vous aussi vous pressez pas. On arrive dans. Ah, c'était le bide en plus. Deux minutes. Oh, magnifique. Ça fait rêver. C'est vrai qu'il va arriver en vomissant. C'est dingue. Allez, on est de retour tout de suite sur Skyrock. On se fera le fin avant 22h, entre autres. Et puis, vous tous en direct, je vous le disais, 01 53 40 30 20. Et vos messages sur le 41 759, le skyrock.fm et l'appli Skyrock. À demain, Fredo. À demain. Et à tout de suite, tout le monde. Ciao. Skyrock. 6h, 9h. Premier sur l'iPhone 6S. Dans un instant, on va...